Chapitre 4. Monsieur le chef des cultures, en quittant la rotonde immense formant la serre chaude principale, introduisit les trois visiteurs dans d'autres serres qui s'étendaient latéralement. L'une d'elles, destinée aux ananas et renfermant toutes les espèces connues de ces fruits parfumés, aboutissait à une serre spéciale aux orchidées. Il fallut encore que le docteur arrachât Marie-Bastien et son fils à la surprise, à l'admiration où ils restaient plongés, malgré la température humide et étouffante de cette serre, à la vue de plusieurs orchis fleuries, fleurs bizarres, presque fantastiques, tantôt pareilles à des papillons diaprés de vives couleurs, tantôt à des insectes ailés d'une apparence fabuleuse. Là se terminait le domaine de M. Dutilleul. Cependant, il voulut bien guider nos curieux sur les terres de son collègue des cultures d'orangerie, de serres tempérées et de pleines terres. « Je vous avais promis la Chine, » dit le docteur à ses amis, « nous voici en Chine. » En effet, au sortir de la serre aux orchidées, l'on entrait dans une galerie chinoise à piliers à jour, peint de rouge et de vert éclatant, et pavé de carreaux de porcelaine, pareil à ceux dont était revêtu un petit mur à hauteur d'appui servant de base aux colonnes. Entre celles-ci étaient espacés de grands vases du Japon, bleus, blancs et or, contenant des camélias, des roses pivoines, des azalées, des citronniers et autres arbustes de la Chine. Cette galerie, vitrée pendant la mauvaise saison, conduisait à une véritable maison chinoise formant le centre d'un vaste jardin d'hiver. La curieuse édification de cette demeure, qui avait coûté des soins et des sommes immenses, remontait au milieu du XVIIIe siècle, époque à laquelle la rage des chinoiseries était poussée à son comble. Témoin, la fameuse pagode de Chanteloup, bâtiment fort élevé, construit tout en porcelaine. La maison chinoise de Pontbriand ne le cédait en rien à la fameuse folie de M. de Choiseul. La disposition de cette demeure, composée de plusieurs pièces, ses tentures, ses ameublements, ses ustensiles de ménage, ses ornements, tout était rigoureusement authentique. Et pour compléter l'illusion, deux merveilleux magots de grandeur naturelle, habillés des plus riches étoffes, placés de chaque côté des portières du salon, les soulevaient à demi, semblant ainsi les ouvrir aux visiteurs qu'ils saluaient de minute en minute grâce au balancier intérieur qui leur faisait remuer les yeux et alternativement incliner et relever la tête. Tout ce que la Chine offre de plus curieux, de plus chatoyant, de plus splendide en étoffes, laques, meubles, porcelaines, objets d'or, d'argent ou d'ivoire ciselé était rassemblé dans cette espèce de musée dont les trois fenêtres de bambou, aux transparents vitrages de pâte de riz, peintes de fleurs et d'oiseaux de couleurs étincelantes, donnaient sur le jardin d'hiver. Cette sorte de serre tempérée, plantée d'arbres et d'arbustes de Chine et du Japon, se couvrait dès l'automne, au moyen de châssis vitrés s'adaptant au rebord de la toiture de la maison. « Est-ce un rêve ?» disait Madame Bastien en examinant ces merveilles avec autant de curiosité que d'intérêt. « Que de trésors de toutes sortes. Vois donc, Frédéric. » C'est un livre vivant où l'on pourrait étudier les usages, les mœurs, l'histoire de ce singulier pays, car voici une collection de médailles, de monnaies, de dessins et de manuscrits. « Dis donc, mère, » reprit Frédéric, « que de bonnes et longues soirées d'hiver l'on passerait ici en lisant un voyage en Chine, en suivant ainsi, pour ainsi dire sur nature, toutes les narrations du livre. Au moins, monsieur, » dit Marie à monsieur Dutilleul, « Monsieur de Pontbriand vient souvent visiter ce pavillon si curieux, si intéressant. »« Monsieur le marquis n'est pas non plus fou de chinoiserie, madame. Il aime mieux la chasse. »« Feu, monsieur le marquis, son arrière-grand-père, avait fait construire cette maison parce que dans ce temps-là, c'était la mode, voilà tout. » Marie ne put s'empêcher de hausser imperceptiblement les épaules en échangeant un demi-sourire avec son fils, qui, de plus en plus rêveur et réfléchi, suivait sa mère, à qui le docteur offrit son bras. Les visiteurs eurent alors à traverser une allée sinueuse du jardin d'hiver, conduisant à une grotte de rocailles intérieurement éclairée par de gros vers lenticulaires bleuâtres enchâssés dans les roches. Ces jours jetaient dans cette galerie souterraine, ornée de coquillages et de coraux, une pâle clarté semblable à celle qui se tamise dans les lieux sous-marins. « N'allons-nous pas maintenant chez les ondines, bon docteur ?» demanda gaiement Madame Bastien, en commençant à descendre un plan assez incliné. Quelque naïade ne va-t-elle pas nous recevoir au seuil de son humide empire ? Vous n'y êtes pas du tout, répondit le docteur. Ce passage souterrain, tapissé de nattes, comme vous voyez, et chauffé pendant l'hiver, conduit au château. Car vous remarquerez que tout ce que nous venons de voir se communique par des passages couverts, et qu'en hiver, on peut ainsi voyager dans les différentes parties du monde sans crainte du froid ou de la pluie. En effet, le souterrain aboutissait par un escalier en spirale à l'extrémité d'une longue galerie que l'on appelait la salle des gardes et qui, dans les temps reculés, avait dû servir à cette destination. 10 hautes fenêtres à ogives, garnies de vitraux colorés et armoriées au blason des marquis de Pontbriand, éclairaient cette salle immense aux boiseries de chêne sculptées, au plafond bleu de ciel, divisé en caissons par des poutres de chêne ouvragées et rehaussées de dorures. 10 guerriers, armés de toutes pièces, casques en tête, visières baissées, boucliers aux bras, pertuisanes aux gantelets, épées aux côtés, espacées de l'autre côté de la galerie, faisaient face aux 10 fenêtres, et les reflets irisés des vitraux jetaient ça et là des lueurs prismatiques sur l'acier des armures, qui se détachaient étincelantes sur la boiserie sombre. Au milieu de cette galerie, on voyait, exhaussé sur une estrade, un cavalier aussi armé de toutes pièces, dont le grand cheval de bataille, figuré en bois, disparaissait complètement sous sa carapace d'acier, et sous les plis traînants de sa longue housse mi-partie chamois et cramoisie largement armoriée. L'armure complète du cavalier, admirablement damasquinée d'or, était un chef-d'œuvre de ciselure et d'ornementation. Monsieur le chef des cultures, s'arrêtant devant l'estrade, dit au visiteur avec un certain orgueil domestique « Cette armure que vous voyez a été portée par Raoul IV, sire de Pontbriand lors de la première croisade, ce qui prouve, n'est-ce pas, que la noblesse de monsieur le marquis ne date pas d'hier. » À ce moment, un homme âgé, vêtu de noir, ayant ouvert une des portes massives de la salle des gardes, monsieur Dutilleul dit au docteur Dufour « Tenez, docteur, voilà justement monsieur Legris, le conservateur de l'argenterie du château. C'est un ami. Je vais vous confier à lui. Il vous servira de guide ici mieux que moi. » Et s'avançant vers le vieillard, M. Dutilleul lui dit à demi-voix « Mon cher Legris, ce sont des amis à moi, qui voudraient voir le château. Je vous les recommande, à charge de revanche lorsque vos connaissances voudront visiter mes serres. » « Les amis de nos amis sont nos amis, mon cher, » répondit péremptoirement M. le conservateur de l'argenterie. Puis, d'un geste de tête familier, il fit signe aux curieux de le suivre dans les appartements qu'un nombre domestique d'intérieur achevait de mettre en ordre. Il serait trop long d'énumérer les merveilles de splendeur grandiose que renfermait le rez-de-chaussée de ce château, ou plutôt de ce palais. Depuis une bibliothèque que bien des grandes villes eussent enviée, jusqu'à une galerie de tableaux des plus grands maîtres anciens et modernes, sur lesquels les visiteurs ne purent jeter qu'un coup d'œil rapide et qu'ils durent traverser presque à la hâte. Car il faut le dire, malgré son obligeante promesse à M. Dutilleul, M. le conservateur de l'argenterie semblait assez impatient de se débarrasser de nos trois curieux. Le premier étage, ainsi que l'avait annoncé M. Dufour à Frédéric et à sa mère, se composait d'une série de pièces offrant un spécimen de l'aménagement intérieur depuis le XIVe siècle jusqu'au XVIIIe. C'était un véritable musée, empreint d'un caractère tout particulier, grâce aux nombreux portraits de famille et aux antiquités de toutes sortes ayant appartenu aux différents membres de cette puissante et ancienne maison. Dans une des ailes du premier étage se trouvaient les appartements de la marquise Douairière de Pontbriand. Celle-ci, malgré son grand âge, tenait à voir un ameublement aussi frais, aussi coquet que lorsqu'elle faisait dans sa première jeunesse les beaux jours de la cour de Louis XV. C'était une éblouissante profusion de dorures, de dentelles et d'anciennes étoffes des plus précieuses. C'était un encombrement de meubles de bois de rose contournés et chantournés, de porcelaine de Sèvres et de Saxe. Rien n'était surtout plus charmant que la chambre à coucher, tendue en lampas rose et blanc avec son baldaquin à la duchesse, chargée de touffes d'autruche. Quant à la chambre de toilette, c'était un ravissant boudoir tapissé de damas bleu tendre à gros bouquets de marguerites. Au milieu de cette pièce, meublée comme la chambre en bois doré, on voyait une magnifique pompadour à glace, ornée de housses et de rideaux de point d'Alençon, renouée par de gros nœuds de ruban et couverte d'ustensiles de toilette, les uns en or émaillé, les autres en vieux sèvres bleu de ciel. Nos trois visiteurs venaient d'entrer dans cet appartement lorsque parut un homme à la physionomie hautaine et bouffie d'importance. Ce personnage, qui portait un ruban rouge à la boutonnière de sa redingote, n'était rien moins que monsieur l'intendant du château et des domaines. À la vue des trois étrangers, monsieur l'intendant fronça le sourcil d'un air à la fois très surpris et très mécontent. « Que faites-vous ici ? » demanda-t-il à son subordonné, monsieur Legris, d'une voix impérieuse. « Pourquoi n'êtes-vous pas occupé de votre argenterie ? Qu'est-ce que ce monde-là ? » À ces inconvenantes paroles, madame Bastien devint pourpre de confusion. Le docteur se redressa de toute la hauteur de sa petite taille. Frédéric rougit extrêmement et s'écria, à demi-voix, en regardant sa mère, l'insolent. Madame Bastien prit vivement la main de son fils et haussa les épaules en lui montrant d'un regard de pitié le sot intendant. « Monsieur des Masures, répondit humblement monsieur Legris à son supérieur, « ce sont des amis de Dutilleul. Il m'a prié de leur montrer le château et j'ai cru. « Mais c'est inconcevable !» s'écria l'intendant en interrompant monsieur Legris. « Mais c'est d'un sans-gêne qui n'a pas de nom. Cela ne se passerait pas ainsi chez des bourgeois de la rue Saint-Denis. Introduire ainsi les premiers venus dans les appartements de madame la marquise. « Monsieur, dit d'une voix ferme le docteur Dufour en faisant deux pas vers l'intendant, madame Bastien, son fils et moi, qui suis le médecin de monsieur Dutilleul, nous ne croyons pas commettre, et nous n'avons pas en effet commis, la moindre indiscrétion en acceptant l'offre que l'on nous a faite de visiter le château. J'ai été voir plusieurs demeures royales, monsieur, et je crois bon de vous apprendre que j'y ai toujours été accueilli avec politesse par les gens qui les gardaient. « C'est possible, monsieur, répondit sèchement l'intendant. Mais vous vous étiez sans doute adressé à qui de droit, pour obtenir la permission de visiter ces châteaux? Vous m'eussiez adressé votre demande par écrit à moi, l'intendant, le seul maître ici en l'absence de monsieur le marquis, que j'aurais vu ce que j'avais à vous répondre. Il nous reste à prier, monsieur l'intendant, de vouloir bien excuser notre ignorance des formalités, dit madame Bastien à cet important avec un sourire moqueur, afin de montrer à son fils combien elle avait peu de soucis de l'impolitesse de cet homme, et elle prit le bras de Frédéric. Si j'avais été mieux instruit des usages de l'administration de monsieur l'intendant, ajouta le docteur d'un ton sardonique, monsieur l'intendant aurait reçu ma supplique respectueuse afin d'obtenir de sa toute-puissante bonté la permission de visiter le château. Monsieur, s'écria l'intendant avec une hauteur courroucée. « Est-ce une plaisanterie ?»« À peu près, monsieur, » reprit le docteur. L'intendant fit un mouvement de colère. « Pour ne pas terminer cet entretien par une plaisanterie, monsieur, » reprit madame Bastien en s'adressant à l'intendant, « permettez-moi de vous dire sérieusement, monsieur, que j'ai souvent lu que l'on reconnaissait toujours la maison d'un grand seigneur à la parfaite urbanité de ses gens. Eh bien, madame, « eh bien, monsieur, il me semble que vous désirez confirmer la règle par l'exception. Il est impossible d'exprimer avec quelle finesse et quelle gracieuse dignité. » Marie Bastien donna cette leçon méritée à l'important personnage qui se mordit les lèvres et ne souffle un mot. Marie, prenant alors le bras du docteur, lui dit gaiement à demi-voix, ainsi qu'à Frédéric, « il ne faut pas nous étonner. Nous ne savons pas que dans les pays enchantés on rencontre parfois des génies malfaisants, mais presque toujours d'un ordre subalterne. Sauvons-nous vite, avec les souvenirs de ces merveilles que le vilain génie n'aura pu flétrir. » Un quart d'heure après cet incident, madame Bastien, Frédéric et le docteur quittaient le château de Pontbriand par une des portes communes. Marie, autant par bon esprit que par délicatesse pour le docteur, qui semblait peiné de la désagréable issue de cette excursion, dont il se reprochait d'avoir eu la malencontreuse idée, Marie prit parfaitement et très gaiement son parti de leur commune mésaventure et plaisanta la première sur la ridicule importance que se donnait monsieur l'intendant. De son côté, monsieur Dufour, fort au-dessus de l'impolitesse de cet homme, ne s'en était affecté qu'à raison du chagrin qu'elle pouvait causer à madame Bastien. Mais en la voyant bientôt oublieuse et insouciante de ce désagréable incident, le bon docteur, revenu à sa gaieté naturelle, rappela l'existence de certaines galettes de ménage, enfouies avec d'autres provisions dans le coffre de sa carriole, humble véhicule laissé sous la garde d'un enfant à l'entrée de l'avenue du château. Au bout d'un quart d'heure de marche dans la forêt, les trois amis ayant trouvé une belle place gazonnée, abritée du soleil par un bouquet de chênes énormes, l'on s'y installa joyeusement pour déjeuner. Frédéric, quoiqu'un peu contraint, parut partager la gaieté de sa mère et du docteur. Marie, trop clairvoyante pour ne pas remarquer que son fils éprouvait quelque chose d'inaccoutumé, crut deviner la cause de ses préoccupations et le plaisanta doucement sur la gravité qu'il semblait attacher à l'impertinence d'un sot intendant. « Allons, mon beau Cid, mon vaillant chevalier, » disait-elle gaiement à son fils en l'embrassant avec tendresse, « garde ta colère et ta bonne épée pour un adversaire digne de toi. » Nous avons donné, le docteur et moi, à ce domestique mal appris, une excellente leçon. Ne songeons qu'à terminer gaiement cette journée et au plaisir que nous aurons pendant longtemps à nous entretenir des trésors de toutes sortes que nous aurons vus et que nous emporterons par la pensée dans notre chère petite maisonnette. » Puis, se mettant à rire, la jeune femme ajouta « Dis donc, Frédéric, mère, tu n'oublieras pas de dire demain matin à le vieux père André, chef de nos cultures à la belle étoile, de nous faire un superbe bouquet de muguet des bois et de violettes des prés, tout ce que nous avons de plus rare, enfin. » « Oui, mère, » répondit Frédéric en souriant. « Il ne faudra pas non plus oublier, » ajouta la jeune femme, « de prévenir monsieur le chef de nos écuries d'atteler dans l'après-midi notre vénérable cheval blanc. Choisis celui-là, et pour cause, nous irons la ville faire emplette de toile de ménage. » « Et moi, madame la rieuse, » s'écria le docteur, la bouche pleine, « je vous dis, je vous prouve que votre vieille Marguerite, le chef de vos cuisines, a fait là une galette. Oh, mais une galette !» Le bon docteur n'acheva pas car il faillit étouffer. Alors, ce furent des rires sans fin. Et Frédéric fit tous ses efforts pour partager l'hilarité de sa mère et du docteur. En effet, le rire de l'adolescent était contraint. Il éprouvait moralement un malaise étrange et croissant. De même que certains symptômes vagues, inexplicables, annoncent parfois l'invasion prochaine d'une maladie encore latente, de vagues, d'inexplicables sentiments, encore confus mais douloureux, semblaient sourdre et germer au plus profond du cœur de Frédéric. Le caractère de ces sentiments, encore indéfinis, lui causait cependant une sorte de honte, tellement instinctive que lui, toujours si confiant envers sa mère, redouta sa pénétration pour la première fois de sa vie, mit tout en œuvre pour la déjouer et y parvint en affectant sa gaieté habituelle jusqu'à la fin de cette journée.